la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Ne sois pas distrait en suivant tout ce que les gens disent de toi. Vous voyez, mon ami, il y a des gens qui disent, oh voilà, tu es ceci, tu es cela. Ne sois pas distrait. Ils veulent te distraire. Concentre-toi sur ce que tu es en train de faire parce que ton Dieu va te bénir, il va t'élever. Oh, réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Nous allons lire Esdras chapitre 2. Versets 59 à 70. Je me tiens à la brèche pour mon pays. Je prie avec OSB. Je me tiens à la brèche pour ma famille. Je prie avec OSB. OSB. Opération sur la brèche. La force pour la prière. OSB. Notre texte d'aujourd'hui, c'est Esdras, chapitre 2. 59 à 70. Voici ceux qui partirent de Tel Melach, de Tel Archa, de Kérub Adan, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Les filles de Delaja, les filles de Tobija, les filles de Nekoda, 652. Et parmi les filles des sacrificateurs, les filles de Abadja, les fils d'Akot, les fils de Barzilaï, qui avait pris pour femme une des filles de Barzilaï, les Galadites, et fit appeler de leur nom. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point, on les exclut du sacerdoce. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes, jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et le Thummim. L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 200 chantres et chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6 720 ânes. Plusieurs des chefs de famille, à leur arrivée vers la maison de l'Éternel à Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu, afin qu'on la rétablisse sur les lieux où elle avait été. Ils donnèrent au trésor de l'œuvre, selon leurs moyens, 61 000 darics d'or, 5 000 mines d'argent et 100 tuniques sacerdotales. Les sacrificateurs et les lévites, les gens du peuple, les chantres, les portiers et les nétiniens s'établirent dans leur ville. Tout Israël habita dans leur ville. Amen. Nous allons partager trois vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Ceux qui ne sont pas en règle, qui ne peuvent pas prouver leur identité, doivent être exclus du sacerdoce. Vous voyez ici, lorsque on a commencé à faire le contrôle, pour que chaque exilé puisse montrer ses papiers ou démontrer où il a été né, de quelle famille est-il issu ou de quelle ville il appartient. Il y a ceux-là dont l'origine était douteuse. Ils n'ont pas pu prouver leur origine pour montrer qu'ils étaient d'Israël. C'est pour dire que chaque fois, il y a souvent l'infiltration dans n'importe quel milieu. Et surtout aujourd'hui dans nos milieux chrétiens. Et ce qui est grave, c'est qu'on a trouvé même parmi ceux qui s'appelaient des sacrificateurs, les lévites, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu, il y a ceux-là qui ne pouvaient pas prouver qu'ils étaient réellement des appelés de Dieu, qu'ils étaient même des Israélites. Ce sont des gens qui se sont mélangés, soit par mariage, vous voyez. Il est dit ici, au verset 59, « Voici ceux qui partirent de Tel Melach, de Tel Aka, de Kérub Adam, et qui ne purent faire connaître qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Vous voyez. Et il est dit ici, au verset 61, parmi les filles des sacrificateurs, les filles de Abaja, les filles d'Akot, les filles de Barzilai, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzilai, les Galadites, et filles appelées de leur nom, ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce. C'est-à-dire, ils ont été exclus. On les considérait comme le serviteur de Dieu. Ils pouvaient faire le ministère, le travail de Dieu. On dit non, vous, comme vous n'avez pas pu prouver vos titres, vous êtes exclus. Ça montre que même dans l'œuvre de Dieu, il doit avoir la discipline, bien-aimé. Ce n'est pas n'importe qui qu'on peut dire, tu vas diriger le culte. Ce n'est pas n'importe qui doit prêcher. Je vais parler à un homme de Dieu, écoute-moi bien. Lorsque quelqu'un dit, moi je suis apôtre, je suis prophète, il peut dire même qu'il a un grand ministère, il vient je ne sais pas de quel pays. Mon ami, il faut chercher à prouver d'abord, fais un peu de recherche pour savoir qui peut témoigner qu'il le connaît. Il y a beaucoup des églises qui ont été bouleversées comme ça, parce qu'on laisse la chair à n'importe qui, mon ami. Il faut chercher à vérifier d'où il vient, qui l'a formé, qui l'a encadré, qui peut témoigner réellement qu'il est un homme de Dieu. Un homme de Dieu sérieux, un homme de Dieu éprouvé. Vous voyez, ce n'est pas mauvais de chercher toujours à vérifier les origines ou l'authenticité du ministère de quelqu'un ou de ce qu'il fait. Et ce qu'on trouve que réellement, ils n'ont pas su identifier, ils n'ont pas su prouver réellement s'ils sont appelés de Dieu, vous devez les mettre de côté, mon ami. Ce n'est pas mauvais. On ne fait pas l'œuvre de Dieu avec les sentiments. Deuxième vérité. La délivrance de la captivité s'accompagne souvent avec le déblocage des bénédictions. Je veux parler à quelqu'un. Lorsque le temps de ta délivrance est arrivé, tu as été bloqué. Le Seigneur, lorsqu'il te délivre, il va aussi débloquer tes bénédictions, tes finances qui ont été bloquées, ton mariage qui a été bloqué, oui, ton élévation qui a été bloquée. Est-ce que tu comprends? C'est ce qui s'est passé ici. Regardez, non seulement que les enfants d'Israël ont été délivrés pour retourner à Jérusalem, mais ils sont rentrés aussi avec des grands biens. Regardez ici ce qui est dit. Il est dit au verset 66 et 67. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6720 ânes. Ça fait partie des richesses à l'époque. Quand quelqu'un avait un tel nombre de chameaux, d'ânes, c'était des bénédictions. Donc vous voyez comment Dieu débloque la bénédiction. Je vais parler à quelqu'un. Oui, ça fait longtemps que tu as été humilié dans ta vie parce que ta vie a été bloquée. Tu as été envoûté, tu as été ensorcelé. Laisse-moi te dire que la puissance divine est capable de te délivrer. Et tout ce que tu as vécu là, tu as connu tout ce là, des blocages dans tout ce que tu fais, dans ton commerce, tu échoues. Il est temps maintenant que le Seigneur, il va débloquer ta situation et tu seras étonné de voir la bénédiction, le déblocage de tes bénédictions, les problèmes même de tes terrains là qui ont été bloqués pendant des années. Le Seigneur va débloquer et tu vas entrer en possession de ton terrain. Au nom de Jésus, tu vas récupérer ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Troisième vérité. Lorsque Dieu nous délivre, nous devons lui manifester la reconnaissance. Nous devons d'abord penser à lui. Vous voyez, je vais parler à quelqu'un. Regarde, tu étais dans la galère, mon ami. Dieu t'a élevé aujourd'hui. On t'a pris dans un cabinet du ministre. Mais tu oublies le Seigneur. Tu oublies la part de Dieu. Ce que tu fais, c'est de commencer à dépenser ton argent dans tes petites filles. Le Seigneur n'est pas content de toi, mon ami, je te dis. Dieu risque de te ramener en bas. Lorsque Dieu te bénit, aujourd'hui tu as maintenant voiture de service ou voiture de fonction. Aujourd'hui tu commences à aller en mission en Europe, aux États-Unis. Qu'est-ce que tu fais de l'œuvre de Dieu? La première chose que ceux qui sont retournés les îles ont fait, c'était d'abord de donner les offrandes pour la maison de Dieu. Vous voyez? Il est dit ici au verset 68. Plusieurs des chefs de famille allèrent arriver vers la maison de l'Éternel à Jérusalem, firent des offrandes volontaires. Vous voyez, dès qu'ils sont arrivés à Jérusalem, la première chose qu'ils ont faite là, c'est d'abord de donner les offrandes pour la maison de Dieu. Parce que lorsque Dieu les a délivrés, le roi Cyrus a bien dit que Dieu lui a donné l'ordre de les libérer pour une mission bien précise. Lorsque Dieu te bénit, c'est d'abord pour faire avancer son œuvre. Est-ce que tu comprends cela? Ce n'est pas pour que tu commences à dépenser dans la débauche avec des petites filles, mon ami. Ce n'est pas pour que tu commences à investir d'abord. Peut-être que tu es membre dans un parti politique. Ce n'est pas mauvais. Tu donnes des cotisations là-bas. Mais combien tu donnes à l'œuvre de Dieu? Il faut d'abord penser à Dieu. Il faut d'abord penser à l'œuvre de Dieu. Il faut d'abord penser à ceux-là qui t'ont encadré. Il faut penser à ton père spirituel, à ton pasteur. Combien tu donnes par rapport à ce que tu dépenses dans d'autres choses? Tu vois? Ils ont donné des offrandes volontaires pour la maison de Dieu, afin qu'on la rétablisse sur les lieux où elle avait été. Et la Bible nous dit au verset 69, « Ils donnèrent au trésor de l'œuvre, selon leurs moyens, 61 000 darics d'or, 5 000 mines d'argent et 100 tuniques sacerdotales. » On donne selon les moyens. Mon ami, tu viens d'avoir un marché de plus de 100 millions. Mais combien tu donnes à l'œuvre de Dieu? Même quand on parle de la dîme, là, la dîme c'est un minimum. Lorsque tu as un marché de 100 millions, combien tu donnes à l'œuvre de Dieu? Combien tu donnes à ceux qui prient pour toi? À ton père spirituel? Combien? Si tu ne peux même pas donner, même pas 1 million, c'est que tu n'as rien compris, mon ami. Il faut manifester la reconnaissance à l'œuvre de Dieu. Il faut manifester la reconnaissance à ton Dieu pour faire avancer son œuvre. Quand Dieu te bénit, tu dois choisir une bonne part pour son œuvre. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais vous demander de chanter avec moi ces cantiques pour glorifier le Dieu qui nous délivre, le Dieu qui nous aime. Son épaule, son nom est le Dieu tout-puissant. merveilleux conseiller, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est sur son épaule. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, roi, roi, roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Élève ta voix. Bénis le Seigneur. Lui, le Dieu de délivrance. Il t'a délivré. Il t'a guéri. Il t'a béni spirituellement. Il t'a béni matériellement. Dis-lui merci. Amen. Notre texte du jour, c'est Esdras chapitre 2, 59 à 70. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Nous venons de voir plusieurs vérités dans ce passage. La première vérité, c'est que ceux qui ne sont pas en règle doivent être exclus du sacerdoce, de l'œuvre de Dieu, ce qui s'improvise. Si on a remarqué que quelqu'un, sa vie n'est pas conforme, si quelqu'un réellement n'a pas la semence divine, si quelqu'un réellement n'est pas appelé dans le ministère, bien aimé dans le Seigneur, il faut prendre des dispositions pour les mettre de côté, afin réellement de mettre ceux-là que Dieu a choisi. Nous allons prier le Seigneur pour qu'aujourd'hui, dans nos églises, dans nos organisations chrétiennes, nous puissions mettre de l'ordre, afin que réellement ceux-là que l'ennemi a infiltrés soient exclus. Parce qu'ils sont là, non pas pour faire avancer l'œuvre de Dieu, mais pour bloquer l'œuvre de Dieu. Que Dieu mette les personnes à la place qu'il faut. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons infiniment te dire merci parce que la Bible dit que tu es l'Éternel qui s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartient. Père, c'est toi qui choisis les hommes. C'est toi qui connais ceux que tu as mis à part. C'est toi qui as appelé de véritables serviteurs du Dieu. C'est toi qui mets les hommes à leur place, les postes à pouvoir dans l'Église. C'est toi qui mets les hommes de qualité. C'est toi qui qualifie. Mais nous remarquons que parmi nous, Seigneur, Nombreux se sont improvisés. Nombreux ne sont pas en règle. Beaucoup, Seigneur notre Dieu, font confession de te connaître, mais leur vie n'est pas conforme. Ils n'ont pas de semence divine en eux. Ils ne sont pas appelés à la tâche qu'ils veulent exercer. Père, nous prions que ces hommes et ces femmes soient exclus, que leurs œuvres, ô Dieu, soient sans effet. Merci, Papa. Par les pasteurs et les chefs d'entreprise de mettre en place, non pas selon la religion, non pas selon le groupe ethnique, non pas selon la langue, de mettre en place après la prière, selon l'esprit et dans le courage, ce que tu as mis à part pour ces différentes tâches. Ceux-là même qui ont le cœur de te servir pour l'avancement de ton royaume. Nous te bénissons et nous te glorifions parce que tu donnes la vision à tes enfants, tes serviteurs, pour qualifier des hommes et des femmes, pour que la gloire te revienne dans tout ce que nous faisons, afin qu'il y ait de fruits. Père, merci de bénir l'œuvre des mains de ceux que tu as appelés et mis à part. Car il y a une bénédiction attachée au service au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous voyons que la délivrance, la captivité s'accompagne des déblocages des bénédictions. Tu vas prier le Seigneur. Si tu constates dans ta vie qu'il y a certaines bénédictions qui sont bloquées, peut-être du côté financier, peut-être du côté social, peut-être du côté de la promotion, tu dis, Seigneur, je veux que tu me délivres et je veux que tu débloques aussi ma situation, toutes mes bénédictions, comme tu l'as fait au temps des enfants d'Israël quand ils sont rentrés à Jérusalem. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Nous voulons te supplier ce matin, notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Défenseur, notre puissant guerrier, notre Goël, te supplier dans toute ta grandeur, ta puissance, d'enlever les barrières qui nous empêchent de pouvoir prospérer, qui nous empêchent de pouvoir nous marier, qui nous empêche de pouvoir enfanter, qui nous empêche de pouvoir accomplir ce que notre cœur désire. Nous voulons te supplier ce matin. Le ministère de tes enfants est bloqué par manque d'argent, est bloqué parce qu'il y a des divisions, bloqué parce que le diable s'est levé, que la confusion, que le feu, que les braises, que la foudre descendent dans le camp de l'ennemi, parce qu'il est venu pour détruire. Nous te supplions, Seigneur, que les murailles soient renversées maintenant, afin que le courage soit donné à tes enfants, la persévérance, l'endurance, la foi qui amène à déplacer les montagnes. Seigneur, viens enlever les barrières, envoie des légions, des millions de légions d'anges pour enlever, pour déraciner, pour que la gloire te revienne. Seigneur, on veut avancer et non pas aller à reculons. C'est notre vœu, c'est notre souhait, c'est notre désir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que quand Dieu nous délivre, quand Dieu nous bénit, nous devons d'abord penser à son œuvre. Donner des offrandes volontaires, donner nos dîmes, donner nos dons pour soutenir son œuvre. Nous allons prier. Peut-être que toi qui m'écoute, tu n'as pas pensé à Dieu. Demande pardon et prions pour que Dieu nous donne ce cœur généreux, afin que lorsque Dieu nous bénit, nous puissions donner proportionnellement à la bénédiction pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et ceux-là qui ont oublié l'œuvre de Dieu, que Dieu les fasse revenir à la raison, afin qu'ils comprennent que l'argent que Dieu leur donne, les voitures dont ils disposent, les terrains dont ils disposent, doivent aider à l'avancement de l'œuvre de Dieu, comme l'ont fait les enfants d'Israël. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Nous avons la joie encore de proclamer ta seigneurie, ta grandeur, ta puissance, ta vie à nous, parce que tu as fait de nous des hommes importants en nous bénissant. Tu nous as donné ce dont nous avons aujourd'hui. Tu nous as donné les moyens nécessaires. Tu nous as donné, Seigneur notre Dieu, oui, le financement de nos projets. Tu nous as donné des voitures. Tu nous as donné des biens en espèces. En matériel. Et voilà qu'aujourd'hui, nombreux se sont détournés de toi. Nombreux ont commencé à ne point donner la dîme, les offrandes volontaires, à soutenir l'extension de ton œuvre du royaume. Ils n'ont plus le souci d'aider, Seigneur, l'Église dans laquelle ils sont. Ils se sont détournés des hommes de Dieu qui les a soutenus, qui a prié pour eux. Nombreux aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, ont reconnu et savent que c'est vrai, tu les as bénis, mais dans leur démarche, ils sont tombés. Père, pour toutes ces personnes qui reconnaissent et qui reviennent à toi, prends pitié, sanctifie-les, purifie-les. Merci, ô Dieu, de leur donner d'avoir un autre élan, une nouvelle vision, une nouvelle idée, de donner pour que la puissance de Dieu continue de se manifester dans leur entreprise, dans leurs activités. Car, Seigneur, ils sont décidés aujourd'hui à te donner, à servir, à donner leur legs, leur bien, leur dîme, leurs offrandes, pour qu'une multitude soit davantage gagnée, pour que les églises soient construites et que ton nom soit propagé au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. À la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance. Par son bras puissant.